Dieu, je suis blessé. Ce n'est rien, sire. Non, je suis seulement étourdi. Tapez, tapez toujours. Ils gagnent la porte, les gueux. On approche. Suivez le monde. Par conséquent de quoi, je vois le ciel. Courage, sire Ubu. J'en fais dans ma culotte. En avant, corne gidouille, tu saignée, écorchée, massacrée, corne du but. Ah, ça diminue. Il n'y en a plus que deux à garder la porte. Et d'un, et de deux. Ah, ouf, me voilà dehors. Sauvons-nous, suivez les autres et vivement.